on veut se payer une bonne bouffe, l'endroit idéal, le restaurant Midas. Les hot dogs, la pizza font le délice de tous. Le restaurant Midas, c'est l'endroit préféré des camionneurs. Menu familial offert, service rapide, personnel et courtois. Restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Tout le personnel et la direction du restaurant Midas tient à féliciter les organisateurs des régates de Saint-Félicien. Pendant la belle saison, il arrive parfois des avaries comme l'infiltration d'eau à la maison ou ailleurs. Pour tous travaux de rénovation ou construction après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS, de vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence, 24 heures sur 24. Nettoyeurs d'échangeurs d'air et aussi de conduites de ventilation. Pour nous rejoindre, contactez le 418-679-4178. Monsieur Régent Côté et son personnel souhaitent la meilleure des chances aux participants des régates de Saint-Félicien. On va parler des régates de Saint-Félicien. C'est la 11e édition des régates en fin de semaine. On parle avec le président Régent Côté. Salut Régent. Bonjour mon ami. Ça tourne tellement vite que ton compteur en a oublié une. Okay. C'est notre 12e cette année, mon grand. 12e édition déjà. Les régates dans le temps ça, à Saint-Félicien des années 70, il y en avait eu. Ça avait-tu duré autant longtemps? Oui, je te dirais qu'on les retrace là, des années 63, comme mettons début 60, à aller jusqu'à 81 environ. Ah, OK. On parle d'une vingtaine d'années, là, entre 18 et 20 ans peut-être. OK, OK. La dernière fois qu'on s'est parlé, il y avait une petite controverse. J'ai parlé avec la femme Edith Pelletier, la femme du Centre des femmes à Saint-Félicien. Est-ce que tu as eu des ribandes par après ou ça s'est calmé? J'espère que vous n'avez pas reculé, là. Non, on avait le concours qui avait été mis en place. Ouais. On savait vers quoi on s'enlignait. On s'enlignait vers quelque chose qui n'était pas orienté sur la sexualité ou quelque chose semblable. Là. C'était quelque chose qu'on... Oui, on reflète à travers ça la féminité, puis les personnalités. Puis somme toute, ceux qui regardent les 5 finalistes, bon ben, on a dans ça je te dirais, d'après moi, plus de la vingtaine, entre 20 et 40 ans. Et puis, ils ont été rencontrés, ils sont vraiment gentils et tout. Ce soir, c'est la grande finale. Il y aura une grande gagnante parmi eux qui nous représentera. Et puis, c'est une première. On sait qu'on l'a pris de court aussi. Environ, ça s'est fait sur 3 semaines, 1 mois. Donc, le temps de dire oui, on le fait. Et puis, de mettre en place sur les sites ce qui s'est passé. Et puis, d'en venir aujourd'hui déjà à la finale. C'est très rapide comme première, mais c'était un embryon de comment est-ce qu'on va orienter ça pour les années à venir. Et puis, ça va prendre une tournure qu'on espère positive pour tout le monde. Miss Régate, c'est des juges qui vont, c'est des jurys. Comment ça va se passer? Ce soir, oui, c'est des gens là qui sont sur place. J'imagine 3 juges sélectionnés à l'avance diverses personnes. Je ne sais pas qui exactement. Je ne suis pas au niveau de comment ça se fait et tout, là. Mais je sais que nous, comme technique, on a monté un beau grand chapiteau pour recevoir les gens en plus de la grandeur de la marina. Donc, à la marina où on connaît les portes patio avant, va être annexé un beau grand chapiteau pour recevoir les gens. Il fait beau ce soir, hein, magnifique coucher de soleil sur la rivière et tout. Fait que là, on invite à venir voir ça à la marina. Et le bateau Miss Saint-Félicien sera là lui aussi pour accueillir la nouvelle Miss Saint-Félicien, madame. Puis ça, c'est son rôle en fin de semaine, ça va être quoi en fait? C'est de représenter? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, c'est peut-être parmi nous, montrer qu'il y a un concours, fait que d'être présente. Les autres candidates aussi vont être invitées à circuler avec nous dans le site VIP, puis rencontrer des gens, puis voir que, bon, ils se mêlent au public et puis que tout est bien. Là. Il va y avoir notre protocole le dimanche aux environs de 3 heures. On peut dire entre 2 heures et 3 heures. Il va y avoir le dévoilement de la campagne de financement et puis des personnalités vont être sur place. Et puis c'est là qu'on va aussi la présenter. Et puis les gens pourront voir, là, j'imagine, la Miss Saint-Félicien et quelques candidates qui ont postulé sur le concours. 12e édition. À quoi s'attendre pour les gens qui vont aller à Saint-Félicien? C'est quelque chose, selon moi, maintenant, de bien structuré. Si on parle du côté des puits, on invite beaucoup les gens à venir de ce côté-là. C'est le seul endroit payant. mais c'est quelque chose de fantastique à s'offrir, d'être dans le vraiment dans le jus de l'action, le creux de l'action, avec le son des moteurs qui virent quand les gars font le virer ces moteurs-là au slow sur terre, et puis qu'ils mettent ça à l'eau, les départs de 8 bolides, pas en même temps, la vibration que ça donne, le poil nous défrise de ses bras. C'est quelque chose à s'offrir. Les gens peuvent circuler dans les puits, aller s'asseoir dans un bateau. Les coureurs sont très, très, très gentils, recevants, accueillants avec les personnes. On voit souvent des enfants aller s'asseoir dans un bateau, prendre des photos avec les parents. Des hommes aller s'asseoir dans le cockpit puis regarder comment c'est fait, puis comment est-ce que c'est petit comme dans une Formule 1. Donc, c'est l'endroit de prédilection. On a une section privilège qui va s'offrir aux gens là pour un coût de 45$ par jour ou 75$ pour les deux jours, direct le nez dans l'action. OK. Parle-moi maintenant des équipes. Est-ce qu'il va y avoir autant d'équipes que les autres années? On a le maximum des équipes qu'il peut y avoir. C'est des classes limitées maintenant. On parle de 24 par classe environ dans les catégories 2.5, 2500 et Hydro 350. Il y a deux classes qui sont complètes de 24, donc on parle tout de suite de 48 embarcations. Plus les 2.5, là, sont 12 ou 13, je crois. Et puis, les Grands Prix sont 14 possibles au Canada et aux États-Unis ensemble, tout confondu. Puis, habituellement, on en a une douzaine. Les deux autres, c'est qu'ils sont soit brisés ou soit vraiment une incapacité à se déplacer pour une raison majeure. OK. C'est le fun depuis que c'est rendu au mois de juin parce que c'est vraiment un test pour les équipes qui sont pas mal toutes là parce que c'est les régates de Valleyfield dans quoi, 2-3 semaines à peu près? Oui, on parle de mi-juillet, aux alentours de fin de semaine environ du, j'imagine peut-être le 15 cette année, fin de semaine 14-15, ma mémoire est bonne à vérifier, mais habituellement ça tourne aux environs de ça. Et puis, on est maintenant plus qu'un test, on est la place, la référence, l'endroit où les coureurs veulent venir. Les chambres, les records de vitesse se battent ici. La révolution, autre révolution, puis les tests à haut voltige, là, c'est pas mal ici. On connaît notre longueur de rivière. On n'est pas limité à l'intérieur d'une baie ou des rives trop proches avec des détours serrés. Ils vont à fond la caisse. On a des détours qui sont larges. On a la longueur qu'on veut. On pourrait leur en donner encore un kilomètre de plus, puis il y aurait de la place à le faire. En plus accessible des deux rives, il n'y a pas meilleure place pour eux autres. Donc, ça commence samedi matin. Le coût est de combien? On a la gratuité complète du côté de la ville de Saint-Félicien. Okay. On a remis la gratuité sur le quai municipal. Par contre, on n'a pas mis d'installation qui était coûteuse là pour être environ moitié pleine. Il n'y a pas de gradin au quai municipal. Le quai municipal là, est ouvert au public. Apportez vos chaises, apportez votre radio pour entendre les commentaires. C'est à la bonne franquette, toute la gratuité complète sur la rive centre-ville, mais on invite les amateurs de vraies courses, quelqu'un qui va avoir des sensations fortes et puis avoir le nez dedans, les sentir puis les entendre. C'est à Marina, à la mise à l'eau. Et puis, on parle d'un coût de 45$ par jour ou 75$ pour les deux jours. Bravo! Donc, c'est pas cher pour... C'est la place. Okay. Là, on n'a pas manqué, là, vraiment, accès à la restauration, à aller voir les grues. C'est à vivre au moins une fois, là. Quelqu'un qui dit « je veux aller voir de près c'est quoi une régate », ben, il peut pas faire autrement que d'aimer l'endroit. Bon. Régent, un gros merci. On s'en parle prochainement. On invite toutes les gens. Bienvenue à tous. Et puis, merci de ton appel, Danny. Toujours un plaisir de te parler. Puis le président des régates de Saint-Félicien, Régent.